Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neuron sur les ondes de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez aussi nous écouter sur le web à l'adresse cfou.ca et sur iPhone en téléchargeant l'application C'est fou Live. Aujourd'hui à l'émission, nous avons pour vous Mark Winfield, Zuffenti d'Italie, Osric Tentacles d'Angleterre, Secret Saucer des États-Unis, La Maschera di Scera d'Italie, Il Castello di Atlante d'Italie, Kent Freud Kafka d'Espagne, Discipline des États-Unis, Fido des États-Unis, Slush du Québec et Premiata Forneria Marconi d'Italie. Alors, on débute l'émission avec Mark Winfield, qui est un musicien britannique avec un groupe avec des musiciens de provenance multinationale. C'est le quatrième album qui vient de paraître de ce groupe et on va entendre la pièce titre de l'album Proof of Light. Alors, voici Mark Winfield. We'll be right back. C'était Mark Winfield avec la pièce titre de l'album Proof of Light, qui est la dernière parution. Et on enchaîne avec Zuffenti, qui est un prolifique musicien italien. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce extraite de la Quarta Vittima. C'est un album, c'est son dernier album, son sixième studio en solo. On le connaît pour sa participation dans Finistère et La Mascara d'Ischera, entre autres. Et puis, la pièce qu'on va entendre, c'est la Certezza Impossibile. Alors, voici Zuffenti. Alors, c'était Zuffenti avec la pièce La Certezza Impossibile et c'est extrait de l'album La Quarta Vittima qui est paru en 2014. On enchaîne avec une formation britannique, Osric Tentacles, qui nous propose leur 20e album studio depuis 1985. Donc, c'est un groupe qui a 30 ans d'âge. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Space Walking. Je rappelle que... Non, j'ai une petite correction. C'est Zenlic Creature. Et c'est extrait de Technicians of the Sacred. Et c'est paru il y a quelques semaines. Alors voici Osric Tentacles. Thank you. Alors, venez d'entendre Osric Tentacles avec la pièce Zenlic Creature et c'est extrait de l'album Technicians of the Sacred. Et ça vient de paraître, c'est un album double. Après la pause, psychédélique. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait du dernier album qui vient de paraître. L'album s'intitule Phase 5. Et ce qu'on va entendre, c'est Space Walking. Alors voici Secret Saucer. C'était la formation américaine Secret Saucer avec la pièce Space Walking et c'est extrait de Phase 5 qui est leur tout dernier album qui est paru il y a quelques semaines. On enchaîne avec le groupe italien La Maschera di Sera avec une pièce Ritorno dal Nulla, c'est extrait de La Porte del Domani qui est le dernier album du groupe qui est paru en 2013. Je dois dire le défunt groupe parce que Fabio Zuffanti qui en est le frontman ou l'instigateur a décidé qu'il mettait la clé dans la porte. Alors, c'est une chance qu'on a d'avoir un héritage de 5 albums de La Maschera di Sera, dont Les Portées del Domani, le dernier qui est paru en 2013. Alors, voici la pièce Ritorno dal Nulla. Thank you. channel. Termina l'era del buio, scintille e lampi di luce, vita nell'abisso senza voce. Alors, c'était la Maschera di Scera avec la pièce Ritorno dal Nulla et c'est extrait de La Portée del Domani. Ça, c'est paru en 2013. Ce fut le dernier album de la formation italienne. Alors, on reste du côté italien avec la formation Il Castello di Atlante. C'est une formation que j'ai eu la chance de voir en spectacle dimanche dernier à Québec. Et un fait assez intéressant pour un amateur de rock progressif italien, le claviériste du groupe était nul autre que Tony Pagliuca, l'ancien claviériste de la formation Le Orme. Alors pour un amateur de rock progressif italien, c'était la totale. Alors on va entendre la pièce titre du dernier album de Il Castello di Atlante, le dernier album studio qui est paru en 2009, Tra le antiche mura. Alors voici Il Castello di Atlante. Thank you. fine qui, messere, l'aura di Atlanta intorno a te. Tra queste antiche mura troverai solo la pace che tu vuoi. Sciogli il tuo cuore e i tuoi pensieri, forza e pace son con te. Non devi aver paura, messere, colma il vuoto dentro te. La tua breve vita sia finita senza che abbia tu combattuto il male che senti forte intorno a te. Lascia cadere il tuo furore, lascialo andare via da te. Sgombra la tua mente adesso, placa il fuoco dentro te. Thank you. Alors, c'était Il Castello di Atlante, avec la pièce-titre de l'album Tra le antiche mura. Et c'est pour la prochaine heure. Et on débute le bloc avec une formation espagnole du nom de Kent Freud Kafka. On leur connaît un album paru en 2014, s'intitule No Tengas Miedo. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Principio. Alors voici Kent Freud Kafka. Thank you. Vous venez d'entendre la formation espagnole Kent Freud Kafka avec la pièce Principio. C'est extrait du seul album du groupe paru en 2014, No Tengas Miedo. La prochaine pièce, c'est un groupe américain du nom de Discipline. On leur connaît 4 albums studio. C'est un groupe qui est actif depuis le milieu des années 90. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait du 3e album To Shatter All Accord. Et la pièce s'intitule When the Walls Are Down. Ah! Alors, c'était la formation américaine Discipline avec la pièce When the Walls Are Down et c'est extrait de l'album To Shatter All Accords. Et on enchaîne avec Chupacabras de Fido. Lives deep in the jungles of Puerto Rico. Our loving tribute to the Chupacabra. Tonight, if everything works out all right, I'll be feasting. So let's see what's for dinner tonight. We'll be right back. myself from waiting in stealth. I will rise again, meet you alive on the other side. I am freedom. I am freedom. I will free them. You couldn't ask for anything more. You couldn't. D'entendre la formation américaine Fido. Thank you very much. Avec la pièce Chupacabras, et c'est extrait d'un album promotionnel qui est paru en 2012 du nom de Fido et Mogon. Mogon étant la version allégée du groupe. Je rappelle que Fido est une formation américaine avec 10 albums studio enregistrés depuis les derniers de Jimmy Farley. Alors, cette ce bloc de l'émission est habituellement consacré aux pionniers du rock progressif et ce soir, on fait honneur à deux groupes, un québécois du nom de Slush. Slush a été très prolifique, en fait, durant les deux années qu'il a existé. Ils ont produit deux albums, les deux étant très bien cotés encore aujourd'hui sur... notamment sur Prog Archives. J'ai un œil qui a une cote de 4,23 et Stadacone qui a une cote de 4,33 et ça après presque 40 ans d'âge. Alors c'est un fait à signaler. Alors on va entendre de l'album J'ai un œil, la pièce C'est pas la fin du monde. Alors voici Slush. Thank you. C'était Slush, le groupe québécois, avec la pièce « C'est pas fin du monde » et c'est extrait de l'album « J'ai un œil » qui est paru en 1975. Alors, on va conclure l'émission avec PFM, Premiata Forneria Marconi. Et une des raisons pourquoi je ramène ce groupe-là aujourd'hui, c'est qu'ils ont annoncé leur présence à Québec le 21 novembre. Alors, avis aux intéressés, les billets ne sont pas encore en vente. Et ça sera une grosse période pour le rock progressif parce que le samedi précédent, ça sera King Crimson qui sera à Québec aussi. Alors, on va entendre la pièce Il Blanchetto. C'est extrait de Peronamico, qui est le troisième album du groupe qui est paru en 1972. Alors, voici PFM. Vivere in te come sempre siamo tutti qua. Sire, siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi. Prego, popolo non ride ma lo si sa sempre che Nicola non gli va mai bene niente chissà perché sempre che Nicola non gli va mai bene niente chissà perché. Alors, c'est